Merci Tidiaz et Harry Style. Les places de concert sur energie.fr et c'est surtout le best-of de Manu dans le 6-9, Koé et Guillaume Radio 2.0. Fais bien attention, je serai ton addiction. Amor, yo quiero estar contigo. Para una noche en el sexo. Dame un besito, mi amor. Baby, dame-lo, por favor. Allonge-toi, donne-moi tes mains. Ferme les yeux, ne pense à rien. Tous les deux jusqu'à demain. Non, non, non, non, non. Claro de Luna, viens faire le tour du monde avec moi, Bolenita. Laissons nos corps faire ce voyage en Vicosita. Señorita. Cache en toi, tu me retournes la tête à chaque fois. Je ne vois que du flirt avec toi, yeah, yeah. Acércate, ven y siénteme, que estoy caliente. Ay, yeah, dale, ven, siéntelo. Tranquila, no pasa nada. Allonge-toi, donne-moi tes mains. Ferme les yeux, ne pense à rien. Tous les deux jusqu'à demain. Non, non, non, non, non, non. Claro de Luna, ya fue el.

Boulangère Boulanger. Pour mettre fin au sida, on n'a pas de baguette magique, mais on a mieux. On a la Love Baguette. Pétrice et solidaire avec l'association Aide en proposant la Love Baguette à vos clients. Une baguette pleine d'amour pour mettre fin au sida. Une opération simple et sans frais pour vous, au bénéfice de la prévention et des personnes touchées. Inscrivez-vous dès maintenant sur lovebaguette.com avec le soutien de la Toc Magazine. Énergie Hit Music Only avec Katy Perry en concert. Retrouvez la superstar Katy Perry le 29 mai 2018 à l'Accor Hotel Arena à Paris pour sa tournée mondiale. Witness Tour, concert supplémentaire le 30 mai 2018. Infos et réservations, énergie.fr, gdp.fr et points de vente habituels. Katy Perry, en concert à Paris, un événement énergie. T'as tout essayé. Les sites, les applis ne t'ont apporté que des galères. Des lapins ? Dispo au 63602. Ne cherche plus et reviens au plus simple. Envoie Dispo, D-I-S-P-O, au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver la envoie Dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS et énergie. Gagnez votre séjour Electroland à Disneyland Paris le 8 juillet. Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Participez à cette soirée où magie et musique ne font qu'un et rencontrez Steve Aoki. Electroland le 8 juillet au parc Walt Disney Studio. Un événement Énergie. It's music only. Boulangère Boulanger, n'oubliez pas, vous avez entre les mains le moyen de mettre fin au sida. Inscrivez-vous sur lovebaguette.com. Un geste simple et solidaire qui prend 10 secondes, comme ce message. laisser le cœur donner. Oui, je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donner, c'est nous. Alors Chloé, il y a quand même des gens qui l'appellent Chloé. Et récemment, c'était Cohen qui a écrit ça sur son gobelet au Starbucks. Toujours plus Chloé, 19h-22h sur Énergie, c'est ça. Chloé, 19h-22h sur Énergie. Alors, c'est pas sexuel. Allez-y l'équipe. Parce que ça concerne les amis ou les copains? La famille ou les copains? Les amis. Aucun des deux. Aucun des deux. D'accord. Est-ce que c'est un truc honteux? Non. Est-ce que ça peut être puni par la loi? Non. Est-ce que c'est un truc physique? Non. Est-ce que tu en es fier de ce que tu as de ce secret? Oui. Est-ce que c'est un truc que tu fais régulièrement? Non. Est-ce que c'est un record que tu détiens? Non. C'est une particularité? Attends, vous allez trop vite là. C'est pas un record, c'est pas machin, c'est pas interdit. D'accord. Parce que moi j'ai posé une question, mais j'ai pas écouté ce qu'il a répondu. C'était quoi? C'était quoi la question? Et il s'en souvient plus. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Le mec qui se souvient pas de ta réponse, mais il se souvient plus de sa question non plus. Donc, Est-ce que c'est une particularité? Non. Est-ce que je sais pas si je l'ai posé cette question. Est-ce que tu es fier de oui. ce secret? Ah, c'est la dernière qui a posé. Elle est dans le bain ce soir. Tu vois, il faut te répéter les choses. Est-ce que tu es fier de ce secret? Toujours. Est-ce que c'est interdit? Fier de ce secret. Mais t'es pas tout seul dans le truc, il y a quand même quelqu'un qui est avec toi, ou c'est un truc que t'as fait toi tout seul? Là, c'est un truc que j'ai fait tout seul. Ah, bon. Et ce qui est arrivé qu'une fois? Qui est pas interdit? Bah, c'est arrivé pendant quelques fois quand même. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'argent? Non. Est-ce que c'est un exploit? Pour moi, oui. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Parce que là. Bien sûr. Un indice télé. Télé. Tu t'es acheté une télé. Tu es passé à la télé. Ouais, t'es passé à la télé. Oui. Ah, t'es passé à la télé. Ah, tu es passé à la télé. Est-ce que tu passes souvent à la télé? Ça arrive quelques fois. Non. Tu t'es incrusté dans une émission? Comment? Tu t'es incrusté dans une émission? Non. T'as gagné un jeu? Non. Non, tu leur as menti. Tu fais des faux castings, des trucs comme ça, et tu changes des personnages? Non. Ah putain, tu sentais bien ce cas. Alors, on va y aller autrement. Est-ce que tu es animateur de télévision? Non. T'as fait Les Anges? Oui, c'est ça. Non. C'est pas de la télé-réalité? Non, je fais de la télé. T'as fait de la télé? Fais de la télé. Mais qu'est-ce qu'il y a? En tant que témoin? Non, en tant que participant. Une télé-réalité ou pas? C'est un concours. Non, on vient de dire non. Ouais, si personne n'écoute, en fait. C'est un concours. Est-ce que c'est un jeu? Oui, est-ce que t'es candidat dans un jeu? Tout à fait. Voilà. Question pour un champion? Non. Excuse-moi, tu voulais le secret. Bonjour, ouais. J'ai fait question pour un champion. C'est un exploit. Sur quelle chaîne? Sur TF1. Ah, TF1. Le Big Deal. Mais quoi le Big Deal? Mais non, mais on s'en fout, c'est pas un secret. Il existe dans quel jeu? Ah, c'est le gagnant des 12 coups de midi, non? Il existe plus depuis. Oh, vous avez fini là les. Non. Ah, bah quoi? Ah ouais, remarque, ce serait une bonne chose. C'était la perf, le mec. C'est pas ça du tout. Non, mais c'est. Qu'est-ce qu'il y a sur. T'as menti? Il y a The Voice. The Voice. Oui. Ah, Lisandro. Ah non, il est déjà venu. Non, mais non. Est-ce que tu es un candidat de The Voice? Oui. Ah, mais c'est notre ami qui était déjà venu nous voir dans le public, non? Peut-être. Ah, bah, comment il s'appelle? Je sais pas, j'ai pas regardé moi. Vincent? C'était Vincent, c'est ça? Oui, c'est ça. Vincent Vinel. Ah, mais il est là! J'ai pas pu t'embrasser. Tu t'es rattrapé parce que le c'est pas sexuel au départ ça partait mal. Ouais, le c'est pas sexuel. Ah, oh, bravo, putain, ça me fait plaisir. Bravo, bravo, bravo. Bah merci, ça fait plaisir. Ah non, mais franchement, alors je vais être honnête, hein, je vais vous dire la vérité. The Voice n'est pas une émission que je regarde énormément parce que souvent le samedi je fais autre chose. Ouais. Mais à chaque fois que je suis tombé sur ses prestations, il a déchiré. Incroyable. Ah, mais ça me fait super plaisir. Mais je ne sais. Mais tu venais. Attends, qu'on essaie de se remémorer. Tu venais nous voir ici. Ouais, j'étais là-bas. Là, il avait sa place. J'avais ma place. À la place de où? De laquelle? Deuxième rang. Deuxième rang. Tu veux qu'on la dégage? Mais jamais tu nous avais fait une démo avec ta voix de. Non, c'est vrai. C'est vrai. Comment ça se fait? Incroyable ça. Trop timide. Ouais, peut-être. Ah. Je sais pas, peut-être. Non mais c'est fou parce que moi je l'ai vu sur des plateaux où d'un seul coup il l'envoyait mais grave. Ouais. Mais en plus on le fait dans les briefs du public au début avant l'émission, il leur dit est-ce qu'il y en a qui savent chanter. On le faisait peut-être pas à l'époque. Ouais. On le faisait peut-être si, on l'a toujours fait en plus. Je sais qu'à l'époque c'était avec Jeff. Jeff le faisait pas quand j'étais là. Et voilà. C'est quoi, t'as laissé passer un talent. C'est pour ça qu'il est plus là. Non, tu es en train de me dire que Jeff a laissé passer le mec qui a fait ça. Ouais. C'est ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait Kev Adams aussi qui venait à l'époque, c'est comment ça. Il y avait Kev Adams aussi qui venait. Ouais. Vin Diesel aussi. Ouais. Il adorait. Et je te demande pas qui c'est qui faisait le public, c'est encore Jeff. D'accord. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, me speak from my heart when it comes to you, comes to you. Want you to share that. Believer, believer. Hey, pick me up.

Tout frais. Énergie. Zed et Alessia Cara. Hit music only. Hit music. Hit music only. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you. And you've got to make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute. Just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Sur Énergie, on l'écoute juste après un passage que j'ai choisi rien que pour vous de l'émission de Guillaume Radio 2.0. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On est avec Christian Estabé, qui est un ancien braqueur et qui a sorti un livre qui s'appelle 2025. Juste pour terminer, ouais, ton fils a été kidnappé, c'est ça? Ouais. Pourquoi? Parce que par des vendeurs de drogue, ils se volent entre eux, ils s'assassinent entre eux. Et à l'époque, une petite équipe était convaincue que je détenais une grosse quantité de drogue. Et on sut où se trouvait mon fils à l'époque, qu'une personne, une amie me gardait. Ouais. Et ils ont été le chercher. Et puis après, ça a été du chantage au téléphone. Donc il a fallu qu'on se le mange à la psychologie tout doucement sur 24 heures pour le taper. Quoi. Mais ils l'ont gardé longtemps ? 24 heures. 24 heures seulement, ouais. Ouais, 24 heures. Mais t'as pas dû dormir, non ? Pardon ? T'as pas dû dormir pendant 24 heures ? Je vais dire, j'ai pas dormi et puis après tu te remets un peu en question, quoi. Tu te remets un peu en question. Dans une autre affaire. Ah, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup ma vie pour que mon fils soit enlevé, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est fini, là ? Non, vas-y, pour terminer, vas-y. Si vraiment tu l'as fait en 20 secondes, c'est bon, parce qu'il est tard. On a fait une grosse affaire sur les banques qui a duré pendant 2 ans, l'enquête, sur les Crédits Lyonnais. Ouais. Une super opération. On a remonté les coffres, on a commandé le casse et tout. Et pendant qu'on faisait cette opération-là, j'étais avec un mec qui était considéré comme un quelqu'un qui réglait les comptes assez facilement. Et on nous avait proposé un contrat de faire un jeûne, de régler les comptes, moi, de régler les comptes, le compte de quelqu'un. Et il fallait tuer quelqu'un. Ouais, il fallait surtout pas le faire. Il fallait surtout pas le faire. Puis le but, il peut pas y avoir mort d'homme dans les enquêtes qu'il y avait. C'était impossible. Ouais. Donc j'arrive à le persuader de pas le faire. Et eux commandent l'assassinat à d'autres personnes. Quand ils règlent le problème, ils se trompent de personne. Ils tuent un jeune de 20 ans. Non. Oh. Ah ouais. Un jeune de 20 ans. Ouais, à côté de la garde. Des mafieux. Non, l'État. Non, des voyous, des bandes de voyous, quoi. Ah, ils se trompent de mecs. Ouais, ouais, oh ils se trompent de mecs et ils tuent un jeune. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est que. Attention, tout ça, c'est du miroir aux alouettes. Quand on croit qu'on peut s'en sortir dans des milieux comme ça, on ne s'en sort pas. Il n'y a aucune chance. Et si j'avais un mot à dire aux jeunes qui pensent aujourd'hui que ça peut être une solution, c'en est jamais une à long terme. Hein. Jamais une. Hein. Merci beaucoup. Christian Estavel, voilà. Merci. Intéressant, hein, on a appris des trucs. Ah ouais, merci. Moi, j'aime bien inviter. L'autre jour, on a eu un astronaute. Ouais. De temps en temps, on invite des invités comme ça originaux. Et c'est intéressant de milieux originaux. On a eu même le plus grand espion français, Jean-Marc Gadoulet. Qui a travaillé à la DGSE, tu connais ou pas? Non. Jean-Marc Gadoulet. De nom, oui, non. Et c'était un des plus gros espions français qui a rencontré Abou Zaïd et tout. Il nous a raconté ses trucs en Afrique, machin. Et là, je peux dire qu'on était sur écoute grave. Ah ouais. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Quand l'amour frappe à ta porte, tu n'as plus qu'à le laisser entrer. Tu ne sais pas ce qu'il t'apporte, pourtant tu veux te laisser tenter. Ça peut durer un jour, ou peut-être pour toujours. J'étais sûr que je ne serais pas déçu et j'ai su que c'était la bonne quand je me disais. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier oh non. Jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Avant elle, j'aimais être seul. Qui aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour ma boussole, à laquelle je pourrais me fier. Car près d'elle, moi enfin, je me sens vivant. La seule chose mieux qu'un de ses baisers, c'est le suivant. Chaque jour on se découvre, c'est vrai, mais pourtant je la connais par cœur. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier oh non. Jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Je me demandais si la vie avait un sens et t'as donné un sens à ma vie. J'étais indécis, mais de toute évidence, c'est elle l'essence de mes envies. Jamais je n'aurais pensé. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier oh non. Jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi. Petit, je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier oh non. Jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras. Hi, this is Ed Sheeran on NRJ. It's music. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took

perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. Over you. What are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Criminal, The Best, Michael Jackson sur NRJ. Alors de bon matin, c'est le top, plus le best-of de Koé sur NRJ, ça c'est trop cool. Koé, 19h-22h sur NRJ. Salut Koé, est-ce que tu serais genre en couple avec une fille d'équipe, genre souffle? Ah, nous aussi on se pose la question. Alors ça fait un moment qu'on se pose c'est la question. C'est Koé, ta tante. Alors est-ce que 5 ou 6 rapports sexuels ça compte? Non, je pense pas. Alors on n'est pas en couple. Non, on n'est pas en couple. Mais est-ce que tu serais? Ah oui, non, c'est, tu voudrais, c'est ça? Dans quel sens tu as pris ta question? Tu comprends, Pietre? Oh, tu voudrais, peu importe. Est-ce que tu voudrais? Voilà. Non, non, je vais répondre franchement. Stouf, on se connaît depuis combien d'années? C'est pas un argument. Plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait. Parce que moi, et ceci dit, Julie, elle serait là, je pourrais dire la même chose avec Julie. J'ai jamais rien fait. Marlène non plus. Bon, c'est parce qu'elle veut pas. Mais non, jamais. Jamais. Jamais. C'est que des filles que j'adore. Et justement, c'est parce que on s'entend bien que, tu vois, voilà, je sais pas, je peux les vanner, je peux leur faire un bisou, je peux les appeler ma chérie quand je leur. On a beaucoup d'affection là. Ouais, je peux les. Ouais, on peut se prendre dans nos bras, mais il y aura jamais rien de plus que ça, parce que c'est. Je veux pas te dire, c'est même pas là. Ce qu'on entend souvent, le côté grand frère, machin, ça c'est ridicule. Mais je sais pas, c'est voilà, c'est de l'affection. Quand je prends Stouff, quand je prends Julie, voilà, c'est un truc, c'est de la gentillesse avant tout. Je sais pas, je peux pas te dire. Moi, je vais essayer d'attaquer Stouff là, Corse. Non, mais c'est comme si on se donnait, c'est comme si on se donnait un peu d'affection, sans arrière-pensée, et ça fait du bien en fait. Oui. Voilà, Audrey. D'accord. Elle est déçue. Ah ouais, il fallait lui vendre du rêve un petit peu. Ouais. Excuse-moi. Oui, tous les soirs. Bam. C'est pas marrant. Tous les soirs, quand on rentre à la maison, bim, Stouff, Marlène m'appelle, elle me dit je peux vous rejoindre, je dis bien sûr. Et là, Loris, il dit hey, il arrive, il fait salade. Non, mais là, bien sûr. Et Pietre filme. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas. Bisous, ma chérie, je t'embrasse, à bientôt. Bisous. Koé, 19h-22h sur Énergie. trottoirs, je pense à toi. Sur les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard. Sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. Je suis désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau souvent. Quand on souriait pour rien. On s'aimait trop pour s'aimer bien. J'étouffe, je pense à toi. Quand je découche, je pense à toi. Je perds mon souffle, je pense à toi. Au bord du gouffre. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Je peux pas y croire, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. À base de l'horoscope de ce mardi 27 juin 2017. Énergie, l'horoscope. Et bon réveil, normal. Bélier, avant de faire des projets très coûteux, assurez-vous que vous avez pleinement les possibilités financières de vos ambitions. Taureau, vous aurez à cœur d'établir l'harmonie où que vous soyez. Votre vie privée sera émaillée de dialogues enrichissants, tant avec votre conjoint ou partenaire qu'avec vos enfants et vos voisins. Gémeaux, variez votre alimentation et privilégiez les légumes. Cancer, réussite professionnelle garantie. Lion, votre intelligence vive et votre petit côté génial feront des merveilles. Vierge, vous aurez probablement des sujets de mécontentement à propos de l'un de vos enfants si vous en avez. Balance, réfrénez-vous de monter sur vos grands chevaux pour des questions qui, en fin de compte, sont très secondaires. Scorpion, vous avez beau être perspicace, vous n'aurez pas intérêt à vous fier à votre intuition et votre jugement d'aujourd'hui. Sagittaire, vous vous sentirez bien dans votre peau, votre vitalité sera à la hausse et vous ne reculerez pas devant les efforts. Capricorne, Mars, le maître de l'énergie, vous inclinera à retrouver un bon dynamisme. Verseau, ne soyez pas en retard dans vos paiements et surveillez attentivement votre budget. Poisson, vous aurez l'opportunité d'améliorer votre situation financière. Ce sera le moment de revoir vos placements ou d'envisager de nouveaux investissements. Ouf, j'ai réussi l'horoscope. Mais Enamor et Shakira, ça va mettre tout le monde d'accord sur l'énergie. On l'écoute avec le best-of de Manu dans le 6-9. Vous avez encore jusqu'à vendredi pour vous inscrire au doublage de salaire. Energie.fr. Bonne inscription et bon réveil tout le monde. A de suite. Partez à Los Angeles. Assistez à l'avant-première de Valérian et la cité des mille planètes. En présence de Rihanna. This is Rihanna. NRG, my favorite radio station. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur énergie.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio de Rihanna, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir à Los Angeles. Assister à l'avant-première mondiale du nouveau film de Luc Besson. En présence de l'équipe du film. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie.

empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando. Amir, le futuring du moment sur NRJ. On se fait ça pendant un bout de l'émission de Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9, Manu sur NRJ. Quelle est la chanson, ou le titre, ou l'artiste que vos parents écoutaient tout le temps et depuis, soit vous le détestez, soit vous adorez ce titre. Ouais. Les parents écoutaient tout le temps ce truc-là. Un vieux machin truc. Eh bien, j'en peux plus. En même temps, ça me rappelle des souvenirs. Forme de nostalgie, ouais, bien sûr. Quand ils m'enfermaient dans l'armoire. Quelle horreur. Quel est le titre que vos parents écoutaient et depuis, soit vous l'aimez, soit vous êtes fan, soit vous le détestez. Oriane. C'est Full Sentimental d'Alain Souchon. Full Sentimental. Ouais. C'est notre chanson de famille, quoi. Ah bon? Ah non, mais c'est notre hymne, en fait. On la chante en duo avec mon père à chaque événement. Mariage, bar mitzvah, Noël. On se met sur une scène s'il y en a une et on chante en duo. Voilà, ah ouais. J'adore. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. D'ailleurs, si on... Non, non, c'est bon, justement. Voilà. Puisque tu me chauffes... Non, non, c'est dommage. Ton père aurait été là, ça nous aurait fait plaisir, mais comme il n'est pas là. Landu, ta chanson que tes parents écoutaient tout le temps? Moi, je peux plus entendre Aline de Christophe. Et j'écris. Et moi non plus. Alors. Et j'ai crié. Écoutez ça tout le temps tes parents? Ouais, mais en fait le truc c'est que pendant plus d'un an la cassette, la radio cassette karaoké de cette chanson est restée bloquée dans la voiture, dans notre voiture, et du coup il écoutait en boucle et il chantait dessus. Et du coup voilà, je l'écoutais pendant un an. Mais tu sais que c'est pour ça qu'il y a des vols, il y avait des vols d'autoradio à l'époque. C'était les enfants qui piquaient l'autoradio de leurs parents parce qu'ils en pouvaient plus. Ouais. Sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Marion qui nous dit la chanson préférée de mes parents c'était ça. Autant te dire que c'était pas la fête tous les jours. Et ça, c'est ça. Un beau jour. Ah oui. Ou peut-être une nuit. C'est lourd. Ouais. Ah ouais. Oh là. Compliqué. Oh les parents. Là. Ils devaient pas aimer leur enfant. Je m'étais. Il devait pas y avoir beaucoup de barbecue de famille, quoi, dans cette chanson. Ah bah ça, c'est sûr que si. En tu mets pas ça à ton mariage, non plus. Semblant crever. Tu le chantes pas en duo avec ton père. Non. Oh là là. Et bon anniversaire, fiston. Pour ton anniversaire, on t'a fait un. On n'a pas eu le temps de faire un gâteau. Voilà un brownie. Mais j'ai 8 ans, il n'y a qu'une bougie. Ta gueule. Écoute, Barbara. L'aigle noir, Barbara. Je le vis tournoyer. Et mon cadeau. Pas eu le temps cette année. Quelle est la chanson que vos parents écoutaient tout le temps? Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous l'aimez? Il y a Ben sur Twitter qui nous dit: à chaque fête ou soirée, mon père mettait cette chanson et imitait Johnny. Toute la musique que j'aime. Je vois tellement le papa chanteur. Ouais, c'est génial. Le papa, il bosse à la banque, ouais. Mais le soir, la cravate sur la tête, ouais. Il est là. Il a gardé un blouson en cuir de sa jeunesse. Il le met. Ouais. Et il dit: les amis, je chante. Toute la musique que j'aime. C'est Johnny. Elle vient du blues. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Je te remercie. Comme l'amour. knees. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now you're so. Petit mode météo de ce mardi 27 juin 2017 sur Énergie. Énergie, météo. Salut, déjà j'espère que ça va pour vous. Alors après le beau temps, la pluie, j'espère que vous avez bien profité de l'été aussi parce que maintenant c'est place au mauvais temps. Dans la matinée, les températures iront de 17 en Normandie à 28 du côté de Marseille et Montpellier. 18 pour la Bretagne, 22 en Île-de-France ainsi qu'à Bordeaux, 23 à l'Est, 25 à Lyon, 27 en Corse. De la pluie dans le nord du pays, quelques nuages à l'ouest et du soleil dans le sud. Et puis pour cet après-midi, ça se couvre partout avec des risques d'orage pour tout le monde, sauf Marseille, Monaco et Lyon qui restent ensoleillés. La chance. Les températures iront de 18 à Amiens contre 32 pour Lyon, 19 en Bretagne, 22 du côté de Bayonne, 24 en Île-de-France, 27 à Strasbourg et 28 en Corse. Ça va, c'est estival. Et puis là maintenant, on se fait Shawn Mendes, quelle voix de malade. On a que des personnalités pour vous sur Énergie, c'est ça qui est vraiment cool. Et une autre personnalité qui arrive, c'est Manu dans le 6-9. On se fait encore un best-of après son direct dans quelques minutes. C'est Marie sur Énergie, bon réveil. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've

bonjour à vous qui écoutez la radio. Je suis contente d'être avec vous, je m'appelle Marie. Et puis bah, bonjour à l'équipe de Manu dans le 6-9. Ramenez-moi le soleil du Gros du Roi à Paris s'il vous plaît. Enfin ramenez-nous parce que c'est une catastrophe à Paris. Manu dans le 6-9 sur NRJ, 6h-9h30, vous allez adorer. Écoutez ça. Manu dans le 6-9. Le principe du week-end à trous, c'est simple. Vous dites quelque chose sur votre week-end qui s'est passé, que vous avez fait. Sauf qu'il y a un mot dans la phrase que vous enlevez. C'est le concept du week-end à trous, on doit le trouver. Ouais. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Ouais. Attention, samedi soir, je me suis fait en boîte de nuit. Alors, je peux préciser, dans les toilettes. Donc on décide qu'on n'a plus de barrière, que c'est la dernière. Ouais. Alors, quel est le mot manquant? Tu t'es fait caresser? Non, rien à voir. C'est pas sur le corps? C'est pas sur le corps, non. Glandu? Arnaqué. Quelqu'un non. S'était vendu du savon, un truc comme ça. Arnaqué dans les toilettes? Ouais, toi plus, je sais pas. Souvent dans les boîtes, il y a les mecs, et tu veux le savon? Rien, j'ai du bon savon. Arnaqué aux toilettes. C'est nul. Non, je me suis fait guider. C'est-à-dire que, on est sorti samedi soir, pas loin d'ici, parce qu'on était là. Et quand je suis rentré dans les toilettes, il y a un mec, il était là, il m'a guidé. C'était un mec de la Sécu, je sais pas quoi. Il m'a fait comme ça, genre, tu sais, comme un policier qui te dit tourner à droite. Il m'a fait comme ça. Il a sorti sa main et il fait hey, c'est là. Mais il y avait beaucoup de choix pour qu'il te guide ou... Non, mais ça lui a fait plaisir de me dire. D'accord, bah, écoute, c'est bien. Et donc je lui ai dit merci. Ouais. C'est un travail particulier de passer ton temps à accueillir les gens aux toilettes quand même. Eh bien, il est guide de toilettes. Ouais. Je pense qu'ils sont habitués, peut-être qu'il y a des gens qui marchent pas droit. Tu vois ce que je veux dire? Il doit guider les gens. Et apparemment, vu qu'il m'a guidé, je ne vais pas marcher droit, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que je me suis fait guider dans les toilettes en boîte de nuit. Ok, c'est bien. Votre week-end à trous. Allez, Nico. Alors ma femme m'a fait la gueule parce que je n'ai pas pris ça. Ça quoi? Sa photo. Tu n'as pas pris ça. C'est quelque chose à elle? Ouais, c'est. Enfin, oui. Ah, genre, quand t'es pas avec elle, tu dois amener un truc à elle. Exactement. Ok. J'ai pas pris sa doudoune? Non. Sa doudoune? Je sais pas. Vendu? Sa peluche parfumée? Ça, alors pas parfumée, mais sa peluche. Je vous avais dit qu'elle avait des pampons, là, tu sais, le truc de Bambi, là. Ouais. Elle en a deux. Et, le lapin, et à chaque fois que je pars loin d'elle, elle en garde un avec elle et elle veut que j'en prenne un. Sauf que là, bah, valise un petit peu remplie, compliquée, j'ai pas pris et elle fait la gueule. T'as pas pris pampons? J'ai pas pris pampons. Oh, l'erreur. L'erreur, Nico, t'as pas pris pampons. Non, mais elle aime bien, c'est que je me prenne en photo dans des endroits avec et tout. Et là. Oh là là. Avec pampons? Ouais. Elle est un peu. T'as complètement vraiment. Ouais. Super loin, ouais. Non, mais là, je vois pas d'autre solution que de la quitter. On est d'accord. Non, ça n'existe pas. Voilà, franchement. On a Éléonore avec nous. Bonjour, Éléonore. Salut, Manu. Bienvenue sur NRJ, Éléonore. On écoute ton week-end à trous. Alors, moi, ce week-end, pour la première fois, j'ai mangé des. Frites. Ce serait une super histoire. Ouais. Bah, soit dit, t'imagines. À 25 ans, pour la première fois de ta vie, tu manges des frites. Waouh. Je ne sais pas, pour Glandu. Des salsifis. Des salsifis. Non. C'est de la viande un peu particulière? Oui. Ah, c'est de la viande particulière. Donc, je pensais à parpaing, mais c'est pas ça. Non. Ouais. Donc c'est plusieurs trucs. Des côtelettes de kangourou, des trucs comme ça. Est-ce que c'est l'animal? Non, c'est l'animal qui est particulier. Non, c'est la partie du corps. Oh non, t'as pas fait ça? Non. T'as pas mangé des. Non. Non. Des testicules? Des testicules de mouton. Oh. Mais pourquoi? Attends, avant! Elles étaient plus sur le mouton. Non. Okay. J'ai la vision, c'est immonde. Ok, ça va. Mais comment ça se fait? Eh ben en fait, c'est ma belle-mère qui a préparé ça à manger et du coup, ben, je me suis un petit peu sentie obligée de goûter, quoi. On est d'accord que ta belle-mère te déteste. et c'est goûtu? Non, mais c'est pas la question de savoir si c'est goûtu. Non, bah, mais attends, qui est taré pour faire des couilles à sa belle-fille? Bah, une belle-mère. Non, mais oh! Une belle-mère, quoi. Non, mais c'est pas possible. Et c'était pour toi spécialement ou tout le monde en a mangé? Non, tout le monde. Hein. Oh. Mais c'est pas possible de faire ça. Ah là, c'est un appel au secours, là, elle est pas bien. Mais il faut l'aider, la belle-mère. La belle-mère? Ah ouais, pour faire ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans sa vie, quoi. Ah ouais. mais c'était bon? Ben, c'était pas mauvais. Mais ça doit être bizarre. Oh là là. Comment c'est préparé? On voit que c'est ou alors c'est en petites tranches? Non, on voit pas, ça fait un peu comme dans un bœuf bourguignon, il y a des morceaux, mais c'est pas ça. Ah, voilà le bœuf, quoi. mais comme tu dis, c'est un message peut-être que c'est une femme très en colère contre les hommes et au bout d'un moment, elle ne fait que des testicules à manger de tous les animaux. Elle se venge. Et une sauce avec? Qui se renseigne? Non, oui, il y avait une sauce, ouais. Oh ça se mange avec du riz, des patates? On nous a fait du riz, ouais. C'est marrant, parce que j'imagine au restaurant, quoi. Testicules de mouton, qui prend ça? Merci de nous avoir appelé, Léonore. Je te souhaite une belle journée. Belle journée. Dès 6h. C'est Manu dans le 6-9 qui vous réveille sur Énergie. Mais pourquoi t'es comme ça, ba ba ba ba ba? Chérie, mais pourquoi c'est... cœur sous ciment. Confond, elle n'est pas si mauvaise. Elle veut plus de moi, car je suis mauvais. Elle veut plus de moi, Rafa, car je suis mauvais. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. C'est pas une fille de joie, et moi un boycotté. Ma chérie, y'a des hauts et des bas, notre avenir est rattrapable. Je n'y ai des screens et des bas, être sérieux, non, je ne suis pas capable. On pouvait s'en sortir, mais toi comme par hasard. Toi tu retiens le pire je suis pas là-bas. Si ma tête a vrillé, je te jure c'est pas ma faute. Bien sûr qu'on est liés, et tant pis pour les autres. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. J'ai laissé mon cœur, tu l'as vandalisé. De mes fautes, tu t'es sur me verbaliser. Et ma bella, j'ai tout avoué, serait peut-être en oublié. Et ma bella, ouvre la porte, ne me laisse plus sur le palier. Pour les côtés, mais j'ai fauté. Elle me voyait tout comme le dernier des mythos. N'écoute pas tous ces michetons ailleurs. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. Y'a des hauts, y'a des bas, mais pas de quoi perdre la raison. I'm Miley Cyrus. I love NRJ hit music only. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here. And I'm happy that you did, 'cause now I'm as free. There's birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue. Sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. When I make a wish, just run away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Next to you. Maëlys et Russ, elle avait un truc à faire. Genre, salut, je me cache, je finis pas la chanson. C'est bizarre. Soyez les bienvenus sur Énergie. Il est 5h55, on est mardi, c'est le 27 juin. On démarre l'émission dans 5 minutes. Nous sommes toute cette semaine en direct du Gros du Roi. On est en public. Un public qui aime l'air réveillé. Vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez y aller. Bonjour à vous. Merci d'être là. Et vous êtes réveillés très tôt ce matin. Toute cette semaine, c'est notre dernière semaine d'émission, on est en direct, on est en public, on est au Gros du Roi, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin d'Avignon, bref, c'est de la géographie tout ça. On va démarrer dans 4 minutes, mais avant ça, comme chaque jour, 5h55, c'est le club du 555. Tous les jours, avant de démarrer l'émission, on écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et pour la dernière semaine d'émission, j'ai une idée extraordinaire, géniale, on s'écoute que les titres de l'été. C'est plutôt ouais. Cool, ouais. Là, je sais pas si au bout de 30 secondes, on va être content ou pas, et je prends le risque. Peut-être qu'au bout de 45 secondes, je vais me dire, c'était un mauvais choix de l'écouter. Oh, ça donne envie en tout cas. Je le vends bien ou pas? Ouais, vas-y. Et peut-être qu'au bout de 20 secondes, on va se dire, putain, on l'a pas écouté depuis tellement longtemps que ça c'est bon. Et qu'au bout de 3 minutes 30, on va se dire, ah, oh, j'aurais bien écouté encore une deuxième fois. Ouais. Oui. Ça, c'était un titre de l'été. Écoutez bien. Ah ouais. Ah oui. Oh, tu l'as ressorti. Alors, waouh, la SketchUp. Mais ouais. Oui. Ça fait vrai. Danser. Ça fait danser, c'est avec vrai. Avec la chorégraphie à la con. Ouais. Pas sûr. Attends, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va voir. Ça va. C'est sur le refrain qu'on peut se fatiguer sur 3 minutes. Non, le refrain, non, justement, c'est ce que j'attends, moi. Ah bon? Ouais. Restez, il y a le public qui est en train de partir. Ah! Regarde, ouais, il danse toute la chorégraphie dans le public, voilà! Ah, ah, ah, ça prend? Alors voilà, évidemment, j'en étais sûr. Many think it's brujeria, how he comes and disappears. Every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, others say that it's a real Rastafari Afro-Gitano. And he's the man I am, la disco playing sexy, feeling hard like he's the king bailando el ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot always around to raise the mix that they go mezcla con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. I say the hey, ah, the hey, the heaven to the heaven, and say be you know mama, happy and the boogie and the weedy nippy. I say the hey, ah, the hey, the heaven to the heaven, and say be you know mama, happy and the boogie and the weedy nippy. I say the hey, ah, the hey, the heaven to the heaven, and say be you know mama, happy and the boogie and the weedy nippy. C'est incroyable, hein. C'est cool. On a l'impression que c'est quoi, ce serait le nouveau Guetta. La SketchUp sur Énergie, les 6h. bienvenue sur Énergie. On est là avec vous pour démarrer cette journée comme chaque matin. C'est les ouin-ouin du matin. C'est